J'ai une étiquette collée derrière qui ne peut s'enlever. J'ai l'air d'un lascar, gangster, titulaire d'un simple BEP. L'apparence trompe, tu sais. L'apparence n'est pas ce qu'elle est. L'intelligence, puissance ne passe pas par l'apparence. Si mon regard des choses te choque, te stocke, te bloque, faut pas que tu te moques, viens donc t'expliquer avec ad hoc. La violence est trop souvent utilisée sans aucun but. C'est pour cela que les jeunes de l'Empire de France courent à leur chute. Culbute, donc vilain et dangereux loisir. Je crains le pire, les jeunes gangs se forment à ne plus en finir. Sur le bitume, les jeunes veulent la thune, décrocher la lune. L'école ne fait pas leur fortune car ils y ont des lacunes. Dans les banlieues y'a pagaille, à la NPE du travail. Les racailles, peace, smoke, vois que la pierre est du sky. Ainsi, je vois le système, plein de problèmes. C'est à se demander si mes prochains s'en sortiront indemnes. J'ai un regard nouveau sur ce monde nouveau. Regard différent selon les classes et les niveaux. Gringo, muchacho, faut que tu fasses marcher ton cerveau et la vision qu'il te faut. Yo, garde ton sang chaud. J'suis mettre sur le réseau, vois comment réagissent ces sept. Infâme dans cette vie que je blâme. J'suis mettre sur le réseau, vois comment réagissent ces sept. Infâme dans cette vie que je blâme. Yo, trop d'agitation, mêlant amour, gloire et passion. Ce n'est pas bon, les bavures policières prennent du galon. Zonzon, tellement de frères ils vont que je me suis fait une raison. J'irai peut-être que je sois dans le rôle de la bête, le truand ou le bon. En attendant, je rappe avec la troisième vision. Personne bloque notre ascension, car pure est la conception. La couleur de peau guide mon dessin, c'est mon impression. Constate dans la rue, c'est toujours au même qu'on met la pression. Mes chers frères, avant de devenir des purs gangsters, on fait l'école buissonnaire, puis l'école prisonnière. Oh Dieu le père, j'ai beau faire le nécessaire, c'est toujours à moi et mes frères qu'arrivent les pires galères. Pendant que Jean-Jacques à la fac roule en Cadillac, moi je suis bon pour faire du sport et chanter dans les bacs. Ça y est, je suis dans un clip, je joue le guignol pendant que le personnage précédent tout le fric racole. Et c'est pour lui que je travaille, et c'est pour lui que je ravage. Et derrière les bureaux, c'est sur ma culture qu'il crasse. Je jette, projette sur ce monde un nouveau regard. Gare à ceux qui n'interceptent pas l'intellect du troisième art, l'intellect du troisième art. Black Mozart, yo. Hello, yeah, yeah. Je mets sur l'horizon, vois comment réagissent ces êtres infâmes. Infâme dans cette vie que je blâme. Je mets sur l'horizon, vois comment réagissent ces êtres infâmes. Infâme dans cette vie que je blâme. Nouvelle vision du monde qui donne lieu à la rébellion. Mon action, donner aux miens de meilleures opinions. Sur eux-mêmes s'exerce presse, trop de pression. Pourtant tous les hommes sont égaux d'après les constitutions. Battons-nous à l'unisson pour avoir plus de force. Dans la cadence corse, ne tombons pas comme de l'écorce. Par terre, bousculés par la nouvelle ère cyclée. Et cette image de mystère, mystère qui m'exaspère quand je sonde, analyse cette vie de fond en comble. C'est toujours les mêmes qui souffrissent, c'est un comble. Je pense, mon regard est dirigé vers de nouvelles horizons. Regarde par ce rap car il est la fenêtre de ma raison.